Chapitre 12e. La maison de Bagrianov dormait. La neige tombait depuis quelques heures, et les chemins, les arbres, les clôtures, tout était blanc. Le ciel, gris et terne, semblait toucher les toits. Les flocons s'amoncelaient le long des murailles, comme s'ils voulaient ensevelir les maisons. Pas un souffle de vent dans l'air, pas une lueur sur le village. Seule la maison de Bagrianov avait deux fenêtres vaguement éclairées. À travers les stores blancs, la lueur adoucie de la lampe des images filtrait sur la façade dans le cabinet du maître. Confiant dans ses bonnes serrures et dans la double garde autour de sa maison, Bagrianov dormait profondément. Les idées factieuses de la matinée s'étaient noyées dans le fleuve d'eau bouillante dont il avait arrosé le bras de son domestique. Il s'était vengé lui aussi de l'insolence de ce rustre qui avait eu l'audace de lui dire que Fedossia s'était noyée exprès. Le retour de ce mot « exprès » n'avait pas laissé cependant de lui faire une impression désagréable. Pour la chasser, il s'était mis à faire des patiences, suprême ressource du désœuvrement provincial. Les petites patiences avec un seul jeu de cartes, n'ayant réussi à le distraire qu'à moitié, il s'était embarqué dans une grande patience à deux jeux complets. Et il avait trouvé là un dérivatif si puissant qu'il s'était couché dans l'état d'esprit le plus satisfaisant, après avoir fait 8 petits tas de 8 couleurs au grand complet. Les 8 tas étaient encore sur le bureau, prêts à lui rappeler sa victoire le lendemain quand il ouvrirait les yeux, et le vainqueur donnait du sommeil qui suit les grandes batailles lorsque la porte s'ouvrit doucement. Les gonds avaient été soigneusement huilés par Timothée. Un à un, se succédant en fil serré, les paysans entrèrent sans bruit. Leur respiration étouffée s'entendait à peine. Quand la chambre fut pleine, la porte se referma, et Bagrianov se mit brusquement sur son séant. Souvent, dans ses rêves, car ses rêves avaient été les vengeurs de ceux qui l'opprimaient, il avait vu sa chambre pleine de têtes hideuses qui le regardaient avec des yeux féroces. Il s'était réveillé avec la corde au cou, cette corde qu'Ilyusha avait tenue dans sa main pendant un quart d'heure, et qu'il avait laissé échapper. Imbécile. Mais d'ordinaire, un coup d'œil suffisait à dissiper ses frayeurs. Bagrianov se retournait, faisait le signe de la croix pour chasser le démon, et se rendormait. Cette fois, le rêve avait une si poignante apparence de réalité qu'il resta les yeux ouverts, la bouche béante, sans oser conjurer la vision à l'aide du signe de croix habituel. Les ennemis étaient au grand complet. Tous ceux qu'il avait lésés, tous ceux qu'il avait frappés ou molestés, ceux dont il avait déshonoré les filles ou les sœurs, ceux dont il avait envoyé les fils ou les frères en Sibérie, tous étaient là, chacun une hache ou un couteau à la main. Et plus près de lui, tout contre le lit, le père de Fedossia et le fiancé, qui le regardaient avec des yeux ardents. Un autre, derrière eux, allumait des bougies pour y voir plus clair. Bagrianov comprit qu'il ne rêvait pas et que le jour était venu. On le lui avait dit parfois que ses paysans le tueraient. Les paroles d'adieu du général-gouverneur lui passèrent dans le cerveau comme une épée flamboyante. « C'est dommage qu'il ne vous ait pas tué. »« Grâce » cria-t-il en étendant les mains pour implorer. « Grâce ?» répéta Irémée en le regardant tranquillement. « Ma fille a crié grâce, ici même, là où tu dors, chien maudit, as-tu fait grâce ?»« J'ai pardonné à Sabelli. » balbutia Bagrianov, saisi de terreur. « Je ne te pardonnerai pas, moi, » dit Savelli, sans témoigner plus de colère apparente que le vieillard. « Tu as tué ma fiancée. Je l'aimais plus que la vie. Tu vas mourir. »« Je te donnerai tout mon argent. Laisse-moi seulement la vie, » dit Bagrianov, dont la langue épaissie ne pouvait articuler de paroles distinctes. « Écoute, Seigneur, » dit Savelli, « nous sommes tous ici, tout le village, entends-tu? Nous allons te tuer parce que tu es maudit de Dieu. » « Tu as comblé la mesure d'iniquité, » reprit Irémée. « Prie Dieu de te recevoir, l'heure de ta mort est venue. » Bagrianov d'un bond se mit à genoux sur son lit. Deux pistolets chargés étaient sur sa table de nuit. Il voulut les atteindre. Avant qu'il eût allongé le bras, la hache de Savelli lui faucha l'épaule. Il tomba sur le lit en hurlant. « Au secours » cria-t-il une seule fois. Nul ne sait qui lui porta le coup mortel, car 10 haches s'abattirent au même instant. Un grand silence se fit. Les paysans s'entre-regardèrent. Bagrianov ne bougeait plus. Un ruisseau de sang coula le long du drap jusqu'à terre. De larges taches rouges marbraient le linge et la couverture. « Le feu, vite !» cria quelqu'un. Aussitôt, comme si une panique les eût saisis, les assassins entassèrent les meubles sur le cadavre. Les chaises légères, les livres, les journaux, les objets de luxe, les rideaux de mousseline formèrent bientôt une masse confuse qui montait jusqu'au plafond. Quelqu'un apporta une botte de paille qu'on mit sous le lit. « Reculez-vous !» dit Rémy au paysan. « C'est toi qui l'as frappé !» continua-t-il en s'adressant à Savelli. « C'était mon droit. Au moins c'est moi qui mettrai le feu. Soit !» fit Savelli en se dirigeant vers la porte. Rémy prit les deux bougies, les arrangea soigneusement au milieu de la botte de paille et souffla un instant avec sa bouche, comme s'il s'était agi d'allumer son poêle. La fumée remplit la chambre, puis la flamme parut, pétilla, et monta le long des draps. Le ruisseau rouge coulait toujours, mais goutte à goutte, une large mare de sang caillé noircissait le plancher. « Ouvrez le vasistas !» dit Rémy toujours debout près du lit. Un paysan ouvrit les deux carreaux de la double fenêtre, et soudain, à travers la fumée plus épaisse, les langues de flamme, minces et allongées, glissèrent le long des rideaux de mousseline jusqu'à l'amas de meubles. Les 8 petits tas de cartes étaient restés presque intacts sur le bureau. Savelli les ramassa en une poignée et les lança sur le bûcher. Les cartes s'éperpillèrent de tous côtés, aussitôt saisies par le feu qui gagnait du terrain. « Ça marchera, » dit Savelli. « Fermons la porte à clé, mes amis. Adieu, Seigneur !» Sur ce mot jeté à Bagrianov avec une gaieté sinistre, Savelli ferma la porte à double tour, s'avança sur le perron et lança la clé au loin de la neige. On ne l'entendit pas tomber. Les paysans étaient tous sortis. Rassemblés dans la cour, ils regardaient l'incendie qui augmentait dans le cabinet de Bagrianov. À travers les stores baissés, on voyait la flamme aller et venir en lueurs inégales, tantôt d'un pourpre noirâtre, tantôt d'un rouge éclatant. Des torrents de fumée sortirent aussi bientôt des fenêtres du sous-sol. Timothy avait bien fait les choses. Il avait bourré le dessous de fagots et de menu bois. Le revêtement des murailles, en planches peintes, commençait à s'enflammer. « Et la dame ?» dit Rémy. « Est-ce qu'on va la laisser brûler ?»« Sois tranquille, » fit Timothée, qui à deux pas de lui, contemplait son ouvrage. « Tout va bien. De ce côté-là, ça ne brûle pas encore. Il ne faut pas la chercher trop tôt non plus. Elle voudrait nous faire sauver son mari. »« Va, » dit Savelli. « La clé est perdue. Nous dirons qu'il s'est enfermé en dedans. Va vite. » En effet, il n'y avait pas de temps à perdre. Réveillés par l'odeur de la fumée, les femmes de chambre se précipitaient au dehors comme un troupeau de volatiles effarés. Pas une n'avait eu l'idée de réveiller la maîtresse. Timothée s'élança dans la maison, mais avec son bras en écharpe, il n'était guère adroit. Quand il eut trouvé les pelisses et réveillé Madame Bagrianov, il voulut l'emmener dans la cour avec sa fille dans les bras. Mais le plancher de l'antichambre flambait avec une telle intensité qu'il fallut renoncer à la traverser. Un moment, le vieux domestique pensa qu'il resterait dans la maison embrasée, ainsi que les deux femmes qu'il voulait sauver. Par bonheur, Savelli s'était aperçu de leur danger. Il monta sur le rebord formé par le soubassement de briques. Avec la même hache qui avait frappé Bagrianov, il fit voler en éclat la fenêtre de la chambre à coucher. Élevé de 10 à 11 pieds au-dessus du sol et s'aidant de ses bras agiles, pénétra dans la maison en flammes. Il était temps, la porte et les rideaux brûlaient déjà. Une première fois, il emporta la petite fille affolée qui se cramponnait à sa mère. Une seconde fois, il enleva Madame Bagrianov, qui avait perdu connaissance en voyant sa fille s'aîner sauve. Au moment de grimper une troisième fois pour aider Timothée à échapper aux flammes, il hésita. Était-ce la peine de risquer sa vie pour ce balai, longtemps ministre des volontés cruelles de Bagrianov? La vue du pauvre vieux au désespoir, qui essayait vainement avec un bras de s'accrocher au montant de la fenêtre, lui fit braver le péril encore une fois. Il remonta, saisit Timothée à bras-le-corps sans trop le froisser, lui fit prendre pied sur le soubassement, dont il l'enleva ensuite pour le déposer sur la neige à côté de Madame Bagrianov. Quelques paysans, saisis de pitié, emmenèrent la malheureuse femme et sa fille et les conduisirent chez le prêtre. Vladimir Alexeïevitch accueillit les pauvres créatures avec toute la commisération de son cœur généreux et s'efforça de rappeler Madame Bagrianov à la vie. En ouvrant les yeux, le premier cri de cette victime du devoir fut « Sauvez mon mari !» Pendant que le prêtre essayait de calmer les terreurs de la veuve, les paysans groupés dans la cour regardaient brûler la maison. Le feu sortait par toutes les fenêtres. Le toit, rongé en dessous, laissait passer par endroits des gerbes d'étincelles. Des flammèches s'éparpillaient sur la neige comme un bouquet d'un feu d'artifice. Pas une haleine de vent sur ce bûcher qui consumait le cadavre de l'ennemi. La neige, colorée en rose par la réverbération de l'incendie, avait des teintes tendres et joyeuses. Le ciel rouge et bas semblait envelopper le sinistre comme pour empêcher les gens du voisinage d'en avoir connaissance. Le village était là tout entier. Les femmes étaient venues, et personne ne faisait un mouvement pour empêcher le feu d'achever son œuvre. Les âmes sensibles, il en restait encore quelques-unes dans ce repaire de loups, s'étaient calmées en apprenant que la dame et la demoiselle étaient en sûreté. Le sentiment général était celui de l'allégement, de la délivrance. Les derniers venus avaient demandé à voix basse si le maître était dedans. À la réponse affirmative, chacun s'était planté sur ses pieds et attendait la fin. Le toit de planches peintes, à peine attaqué jusque-là, prit feu tout entier d'un seul coup, comme s'il eût été enduit de résine. Il flamba quelques instants, lança vers le ciel une superbe flamme rouge et jaune, puis s'effondra avec fracas. La neige se mit à tomber lentement. Les flocons énormes, sur le fond rouge vif, avaient l'air de grosses mouches paresseuses. D'autres brillaient comme des paillettes de métal incandescent. Puis la neige s'épaissit bientôt, au point de former comme une sorte de voile entre les spectateurs et l'incendie mourant. « Eh bien, enfant, dit une voix, je crois que nous pouvons aller nous coucher. » Les groupes se dispersèrent silencieusement. Les domestiques et les femmes de chambre s'étaient réfugiés dans les communs intacts et pleuraient la perte de leur harde. « Taisez-vous donc, leur dit Timothée en fermant la porte. Vous avez plus gagné cette nuit que vous ne pourriez perdre de chiffon en 100 ans. » Cette vérité frappa tout le monde et le calme se rétablit. La ruine n'était plus qu'une masse rougeâtre, à peine élevée au-dessus du sol par le soubassement intact. Deux traînards se retournèrent une dernière fois pour la regarder. « Hein, comme ça a brûlé ?» dit l'un d'eux. « C'était superbe !» répondit le second. Rentré dans sa maison, Jérémy, que Savéline n'avait pas quitté, réfléchit un instant. « Où vas-tu » dit-il au jeune homme, muet, à son côté. « À la ville. Le colporteur a un passeport pour moi. Et toi ?»« Moi, je reste ici. » « Tu n'as pas peur ?» Le vieillard haussa les épaules. « Peur de quoi ? Est-ce que tout le monde ne sait pas que c'est un accident ?» Savelli resta silencieux. Il regarda attentivement sa hache et l'essuya une fois de plus avec la peau de sa pelisse. « Donne-la-moi, » dit Jérémy. « Je vais la nettoyer avec la mienne et je la reporterai chez toi. Tu fais bien de t'en aller. Tu es jeune, va voir du pays. Moi, je suis vieux. Quand même, il me prendrait. Qu'importe à présent, je suis seul. » Il se jeta lourdement sur le poêle pour dormir. « Père, » dit Savelli avec un silence. « Quoi ? Donne-moi ta bénédiction. Dans les pays lointains où je m'en vais, elle me portera bonheur. » Jérémy se leva et vint faire le signe de la croix sur la tête courbée de Savelli. Celui-ci baisa la main du vieillard, la main qui avait mis le feu à la maison du maître. « Que Dieu t'accompagne, » dit le vieux paysan avec un soupir. « Nous nous reverrons dans l'autre monde. » Savelli rentra chez lui, prit une paire de bottes, ce qu'il possédait d'argent comptant, attela son petit cheval à un traîneau bas, composé d'une simple clé, et partit. Quand il fut à 2 verstes du village, il se retourna. Le ciel était rouge au-dessus de la ruine, qui continuait à jeter, par moments, une faible lueur dans l'air épais. La neige tombait, cachant la trace des sabots du cheval et du léger traîneau. Tout le favorisait. Il secoua les épaules et continua rapidement sa route. Arrivé à la ville avant le jour, il réveilla son ami le colporteur. L'explication fut courte. Le soir même, Savelli partait pour l'inconnu, sa balle sur les épaules, le cœur plein d'un indicible contentement de se savoir libre.